Jamiroquai sur la première. Dans une minute, le journal avec Antoine Garnier, juste après votre émission. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Il sera question de l'attaque de requins. Et puis ce soir, ne manquez pas l'émission politique, notamment de Gaël Le Dantec, le député socialiste Jean-Jacques Blody, qui répondra aux questions devant la réunion donc de Gaël Le Dantec entre 18h15 et 19h sur la première. Avec Réunion Première et les midis. Le journal, Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Il va passer une partie de l'après-midi dans le bloc opératoire de l'hôpital Gabriel Martin, le sauveteur blessé en sauvant le bodyboarder attaqué par un requin samedi à Boucan. Revient sur cette intervention pour le moins périlleuse, le reportage exclusif d'Hubert Debeu dès le début de ce journal. Comment faire pour dissuader les surfeurs d'aller à l'eau quand la baignade et les activités nautiques sont interdites? Plusieurs pistes doivent être explorées selon le directeur du cabinet du préfet. Nous l'entendrons. La cour d'assises et une nouvelle session de 3 semaines qui s'ouvre aujourd'hui avec au programme de nombreuses affaires de mœurs. Présentation du procès du jour avec Nadine Bachelot. Et puis à la fin de ce journal, nous reviendrons également sur la 9e journée de D1R qui s'est jouée hier et la jeunesse Saint-Pierroise qui reste en tête, c'est du football avec 9 victoires en 9 matchs. Bienvenue sur Réunion Première. Il s'appelle Bernard Babette. Cet homme de 45 ans doit subir une opération qualifiée de délicate par le chirurgien cet après-midi. Maître nageur sauveteur depuis 4 ans, il fait partie de l'équipe qui a sauvé Laurent Chardard, le bodyboarder attaqué par un requin samedi après-midi à Boucan. Une intervention particulièrement périlleuse à cause de la houle qui sévissait. Éjecté du jet ski par une vague, le secouriste s'est blessé en retombant sur l'engin. Il pourrait en conserver des séquelles. Ce matin, sur son lit d'hôpital, il a raconté cette intervention à quelques heures de son opération, un témoignage exclusif recueilli au micro Réunion Première d'Hubert Debeu. Le front recousu sur 10 cm, l'œil au beurre noir, la jambe droite bandée, Bertrand Babeuf est encore marqué de l'opération de sauvetage du jeune surfeur. Il arrive tout de même à plaisanter lorsque l'infirmière lui caresse la jambe. Bertrand a encore bien en tête ce qui s'est passé avec les autres MNS lorsqu'il s'est aperçu de l'attaque du requin. Tous les collègues se mettent à tourner le jet ski et le préparer pour partir. Et moi, j'enfile mon gilet, je prends mes palmes et la radio, comme on doit le faire en cas d'intervention. Je décide de prendre le jet et d'y aller. Un collègue se propose de venir avec moi, mon collègue Vincent. Les vagues étaient fortes et lorsqu'ils mettent le jet ski à l'eau, ils doivent faire face à un train de houle exceptionnel. Normalement, dans d'autres conditions, on ne serait pas allé parce que là, c'était vraiment très gros. Mais je décide d'y aller quand même avec l'accord de Vincent, qui est mon chef de poste aussi. On se dit que si on n'y va pas, il va mourir, quoi. Il a un requin qui lui tourne autour. On ne voyait pas les jambes, mais on voyait bien qu'il manquait un bras de loin. On se retrouve un peu en difficulté dans les vagues. Une vague plus grosse que les autres les éjecte de leur engin. Bertrand retombe, la tête sur le guidon. Sa jambe est aussi touchée, mais leur objectif, c'est de sauver le surfeur. Je me casse la jambe sur la première vague. Malgré ça, je continue mon intervention. On récupère le jeune. On a un peu de mal à le mettre sur le sled parce qu'il était bien blessé. À notre arrivée, on s'occupe de nous. Les gens ont été formidables. D'ailleurs, je tiens à remercier tout le monde. Bertrand sera opéré cet après-midi. Une opération délicate selon le chirurgien puisque le maître nageur risque d'être quelque peu handicapé pour la poursuite des activités sportives. Un reportage signé Hubert Debeu. Le drapeau rouge était hissé, la baignade et les activités nautiques étaient interdites. Des messages rappelant cette interdiction avaient été relayés sur la plage par les maîtres nageurs. C'est en dépit de ces mesures et de ces avertissements que samedi après-midi, plusieurs amateurs de glisse ont quand même décidé de se jeter à l'eau sur le spot de Boucan-Canotte. Ce nouveau drame porte à 19 le nombre d'attaques de requins à La Réunion depuis 2011, dont 7 se sont avérées mortelles. Comment éviter une 20e attaque, faut-il que les sauveteurs en mer aient la possibilité de verbaliser ceux qui contreviennent aux interdictions? Philippe Dornier a posé la question à Sébastien Audebert ce matin sur Réunion Première Radio. On écoute la réponse du directeur de cabinet du préfet. Les gendarmes, aujourd'hui, interviennent très régulièrement, beaucoup de gens soulèvent la question de la verbalisation. Depuis le début de l'année, il y a une cinquantaine de verbalisations qui ont été faites. Il y a aussi tout un travail de prévention qui est fait. La brigade nautique va en mer, parfois au contact des surfeurs, pour les informer, pour ceux qui prennent des risques. Sur la plage, les maîtres nageurs, les gendarmes passent des informations. On est dans le cadre d'un programme qui est un programme d'expérimentation. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore ouvertes à discuter. Une piste de réflexion, c'est aussi pourquoi pas d'équiper nos gendarmes éventuellement avec des jet skis pour intervenir en mer. C'est une possibilité, c'est une piste ouverte. Nous n'avons pas décidé. Nous avons aussi la police municipale qui intervient et la mairie de Saint-Paul qui, là aussi, a pris toutes les mesures qu'il fallait samedi, y compris d'ailleurs après en termes de secours, après le drame. Donc, plusieurs pistes sont ouvertes, il faut les poser sur la table. Le directeur de cabinet du préfet de La Réunion, Sébastien Audebert, interrogé ce matin par Philippe Dornier. Attaque de requins, un éternel recommencement, c'est la question posée dans l'émission C'est dans l'actu sur Réunion Première Radio. Ce midi, Philippe Dornier et ses invités attendent vos questions juste après le journal. Je vous le disais en titre, la cour d'assises de La Réunion débute ce lundi une session de 3 semaines. Cette 7e session de l'année sera en grande partie consacrée à des affaires de mœurs. À partir de cet après-midi et jusqu'à demain, l'accusé sera un homme de 34 ans. Il comparaît pour le viol de sa femme, mais aussi de sa petite-fille et de sa nièce, toutes deux mineures. Des faits qui auraient été commis dans le courant de l'année 2014 à l'étang Salé. Présentation de ce dossier avec Nadine Bachelot. Le 2 juin 2014, les urgences de l'hôpital de Saint-Pierre accueillent une jeune femme ayant fait un malaise chez elle. Ne se souvenant plus de rien, elle suspecte malgré tout son mari de l'avoir violée. Et aux enquêteurs, elle révélera que depuis 2 ans et demi, son mari abusait d'elle pendant son sommeil. Sommeil certainement provoqué par le Zamal qu'elle consommait en association avec du Valium. Parallèlement aux faits dénoncés par la mère de famille, sa nièce, âgée de 14 ans, se présentait à la gendarmerie du Tampon, 3 jours après, pour accuser le en cause d'attouchement sur elle. En décembre de la même année, l'épouse déposait une nouvelle plainte à l'encontre de son mari, mais cette fois-ci pour atteinte sexuelle sur leur petite-fille âgée de 4 ans. Si au départ, il a reconnu avoir profité de la faiblesse de sa femme pour abuser d'elle et de nombreux textos conforteraient la thèse du viol, 8 mois après, il revenait complètement sur ses déclarations devant le juge d'instruction et contestait également les faits sur la nièce. Nadine Bachelot qui suivra ce procès pour Réunion Première. Ses comptes rendus d'audience à suivre dans nos prochaines éditions. Midi 6 sur Réunion Première, la suite du journal Antoine Garnier. La e-santé et les technologies numériques sont-elles une menace pour le secret médical? En début d'année, avec la promulgation de la loi santé, une partie des médecins avait fait part de leurs inquiétudes concernant le partage des dossiers médicaux de leurs patients avec les assureurs et les mutuelles devant les appréhensions du milieu médical des patients et les risques existants de fuite d'informations. L'Agence régionale de santé a initié un comité éthique réunion technologie de l'information de santé. Ses 10 membres se sont penchés en priorité sur la sécurisation et la confidentialité des données de santé. Le CERTIS vient de rendre son premier avis. Il rappelle avant tout que les données médicales font l'objet d'une forte protection législative. Il rappelle aussi que la relation de confiance entre un médecin et un patient doit rester au centre du système de santé. Jean-Raymond Mondon est le coordinateur du CERTIS. Il est au micro Réunion Première de Daniel Dambreville. Le CERTIS préconise en particulier que la sécurisation des données du patient se fasse d'abord par un dialogue entre le patient et son médecin traitant et que ce soit le patient qui soit dans son libre arbitre, qui prenne la décision en dernier ressort. S'il ne veut pas que ses données de santé soient informatisées, il doit le dire. Il doit informer son médecin traitant en disant « je ne veux pas que mes données de santé soient informatisées ». Je crois que c'est important qu'on le dise, et dans le même temps, il faut aussi qu'il y ait de l'information et de la formation qui soit faite auprès des médecins, qu'ils sachent également ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Des propos recueillis par Daniel Dambreville. J-3 pour l'éclipse annulaire du soleil. C'est jeudi, en début d'après-midi, que le soleil sera presque intégralement masqué par la lune. Un phénomène exceptionnel pour la Réunion, car c'est depuis notre île que l'on pourra le mieux observer cette éclipse. La prochaine, ce sera pour 2200. Il vaut donc mieux en profiter. Mais pour éviter des lésions irréversibles des yeux, il est impératif de porter des lunettes spéciales si vous voulez voir l'éclipse. Le problème, c'est qu'il devient de plus en plus difficile de s'en procurer, qu'il s'agisse de celles qui sont distribuées gratuitement ou de celles vendues en pharmacie ou chez les opticiens. On fait le point avec Raphaël Kahn. La demande en lunettes spéciales pour l'éclipse est plus forte que prévu. Ce n'est pas encore la pénurie, mais de nombreux points sont en rupture de stock. Les pharmacies, tout d'abord, ont sous-évalué l'offre des distributeurs, selon Éric Cadet, vice-président du syndicat des pharmaciens de La Réunion et de Mayotte. Face à la concurrence des multiples offres gratuites, les pharmaciens n'auraient pas commandé assez de lunettes Eclipse, pensant la demande insuffisante. Du côté des opticiens, le constat est similaire. Selon Stéphane Vaude, le président du syndicat des opticiens de La Réunion, les petites structures atteignent la fin de leur stock. Afin d'éviter le risque financier que représente un achat massif de lunettes invendues, les petits opticiens n'en auraient commandé que quelques centaines. Une quantité vite épuisée. Pas de panique néanmoins, rassure Stéphane Vaude. Il affirme que les grosses enseignes d'optique en auraient commandé plusieurs milliers et garderaient leur stock approvisionné. Les retardataires ne parvenant pas à en trouver pour le jour de l'éclipse pourront toujours partager une paire avec leurs proches. Et voilà, pour aller à la chasse à l'éclipse, il faut d'abord aller à la chasse aux lunettes. On part à Mayotte où, comme chaque année, quelques nouveaux, 500 nouveaux professeurs ont fait leur entrée pour la première fois dans les différents établissements du 101e département français. L'île au parfum qui compte environ 90 000 élèves scolarisés. Andri Rakotondravol a demandé à quelques-uns de ces néo-arrivants quelles étaient leurs motivations. Écoutez leur réponse. J'ai toujours aimé les îles. Et c'est ma deuxième année d'enseignement. J'avais pas beaucoup de points et j'avais le choix entre Créteil, les quartiers nord de Marseille et Mayotte. Donc je me suis dit ma passion pour les îles, le soleil, les cocotiers et Mayotte. On a déjà rencontré les élèves, on a fait la pré-rentrée cette semaine. Ça s'est très bien passé, les élèves sont adorables, très motivés. Donc non, je suis pas inquiet. I chose Mayotte because it seemed like a wonderful opportunity. J'ai choisi Mayotte car c'est à mon avis une excellente opportunité de venir ici et d'enseigner l'anglais. C'est une bonne chose. L'insécurité ne me fait pas trop peur. Je pense que tout est organisé pour que cela ne pose pas problème. Pour moi, c'est secondaire. Ce sont de mauvaises publicités, il y en a un petit peu partout. Donc il faut arrêter de tout regarder la télévision et puis faire confiance un petit peu aux gens, quoi. En allant sur place, en voyant par nous-mêmes. Alors en tant que prof de SVT, magnifique. Il y a tellement de matériel biologique, géologique à faire. C'est parfait pour les élèves et pour les professeurs. Première affectation, néo-titulaire, premier vœu pour Mayotte et pas de regrets, quoi, pour le moment. On passe au sport, en football, reprise du championnat d'ED1R ce week-end et 9e victoire en 9 matchs pour la JSSP. La trêve de 2 mois n'a pas freiné l'irrésistible attention de la jeunesse Saint-Pierroise. Hier, sur leur pelouse du Stade Volnais, les joueurs de la JSSP n'ont fait qu'une bouchée du Saint-Denis FC. Victoire des tenants du titre, 3-0. Début signé, Quentin Boisseau, Alexandre Loricourt et Ricardo Sofi. Pour Christian Daffreville, le coach, le contrat est rempli. Après une petite frayeur en coupe, le coach Saint-Pierrois est rassuré de voir que la machine est relancée. On a été costauds, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de solidarité, beaucoup de sérieux, de motivation. Et ça nous a permis de passer l'obstacle Saint-Denis FC, qui est une très bonne équipe avec des fortes individualités. La semaine prochaine, Sainte-Marie, donc c'est un cadeau. C'est les matchs, il faut les prendre les uns après les autres. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, on aura un adversaire qui va nous donner du fil à retordre. Mais l'essentiel, c'est que moralement, on soit costaud. Mais après cette défaite par 3-0 du côté des Nyonisiens, on accuse le coup. Après la défaite face à Trois-Bassins en Coupe régionale, c'est un deuxième revers d'affilée pour l'entraîneur Jacques Adler. Il y a du pain sur la planche, on l'écoute. Déjà, il faut recentrer le groupe pour redonner au goût au travail. Parce qu'il faut qu'on travaille. Il faut gommer toutes les erreurs techniques qu'on fasse devant les équipes. Et deuxièmement, il faut qu'on aussi augmenter le niveau de vigilance. Parce que les buts qu'on prend, c'est pas assez d'attention. Il manque, je dirais, une certaine expérience de à ce niveau-là. Et voilà, des interviews réalisées à l'issue de ce match par Olivier de la Richaudie. Et à l'issue de cette 9e journée, le classement provisoire de D1R en football. Et c'est donc la JSSP invaincue qui reste logiquement leader, suivi de l'Excelsior, puis de la Sainte-Marienne. Il est 12h13, on fait tout de suite un tour de l'actualité nationale et internationale avec France Info. Jean-Pierre Chevènement, président de la Fondation pour l'Islam de France. C'est confirmé par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. L'objectif de cette fondation, ce sera de faire le pont entre la République et les musulmans. En Belgique, les enquêteurs excluent pour le moment l'hypothèse d'un attentat. Après l'explosion la nuit dernière à Bruxelles, une déflagration devant l'Institut de criminologie. Il y a des dégâts, mais pas de victimes. La piste criminelle est privilégiée. Un mot est sur toutes les lèvres aujourd'hui en Colombie, c'est le mot « paix ». Après plus de 50 ans de guerre, le cessez-le-feu entre en vigueur, les FARC déposent les armes. L'accord de paix sera officiellement signé dans quelques semaines, puis soumis à un référendum. Au Brésil, la dernière bataille de Dilma Rousseff. La présidente a rendez-vous aujourd'hui au Sénat. Elle va se défendre pour tenter d'éviter la destitution. Combat a priori perdu d'avance. Dilma Rousseff est empêtrée dans un scandale de corruption, accusée d'avoir maquillé les comptes publics. Elle devrait être définitivement écartée du pouvoir cette semaine. Et puis en France, interdiction de se promener aujourd'hui dans les forêts du département du Vaucluse. Le risque d'incendie est maximal à cause de la sécheresse et du mistral qui souffle fort. Prudence aussi en Corse et dans tous les départements méditerranéens. France Info. Et vous êtes bien sur Réunion Première. Philippe et Ingrid nous ont rejoints dans les studios. Bonjour à vous. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Philippe, dans le 12-13, ce midi, une question est posée. Attaque de requins, un éternel recommencement. Oui, c'est dans l'actu avec un débat passionné qui s'annonce. C'est vrai Antoine que ce midi, Réunion Première crée le débat entre des personnes au point de vue radicalement opposé. C'est aussi notre rôle. D'un côté, Jean-François Nativel, favorable à la régulation des requins. De l'autre, Jean-Bernard Galvez, défenseur de la cause des squales. Et puis, entre les deux, le psychosociologue Arnold Jacoux, lui, a discuté avec les principaux acteurs de la crise requin en 2014 pour une étude sociologique de ces antagonismes. 02 62 99 2000 pour toutes vos questions. Des nouvelles du temps. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Les nuages continuent de s'accrocher aux façades est et sud avec quelques ondées passagères. Dans l'ouest, entre La Possession et Saint-Leu, le soleil réchauffe l'atmosphère. Au fil du temps, le ciel devient plus nuageux dans les cirques et sur le relief avec quelques précipitations dans les hauts du nord-ouest. Et cette couverture nuageuse va déborder vers la région du port. Dans le sud sauvage et sur le flanc est du volcan aussi, le ciel sera tout aussi chargé. Le vent est un peu fort partout avec des rafales qui atteignent fréquemment les 70 à 80 km/h. Par contre, sur les plages de l'ouest, un régime de brise s'installe. La mer est forte à très forte, une houle de sud-sud-ouest d'environ 3,50 m, soit 7 mètres pour les vagues les plus hautes, déferle entre la pointe des Galets et la pointe de la Table, et cette houle va s'amortir progressivement pour avoisiner les 2,50 m en soirée. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs, en direct du marché, avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Attention, à compter du jeudi 1er septembre, la Civis change ses modalités de collecte. Les jours et les fréquences de collecte évoluent. Pour vous accompagner, la Civis distribue actuellement un nouveau calendrier de collecte. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.plusbellelaville.re ou appelez le numéro vert au 0800 501 501. Le changement de collecte, n'oubliez pas, c'est à partir du 1er septembre. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les bons gestes. Le Pandathlon, c'est une marche pour la Réunion, pour la planète, organisée par le WWF France et la Région Réunion. Le Pandathlon, c'est allier sport, convivialité et le respect de la nature. Alors, allons marcher ensemble pour préserver notre patrimoine naturel. En tant qu'ambassadrice de la nature réunionnaise, je soutiens cet événement qui participe à promouvoir les beautés de mon île. Marche dans notre Gaïa nature, c'est une chance. Alors, nous comptons sur vous, bien autant, paquet en pundiak en quantité pour le Pandathlon. Mais attendez, vous. Dimanche 11 septembre, participez au Pandathlon 2016 à Brapanon. Inscrivez-vous jusqu'au 3 septembre sur www.régionreunion.com. Je marche pour la Réunion, je marche pour la planète. Première. 12h18 sur Réunion Première, c'est dans l'actu. Pose une question ce midi. Les attaques de requins sont-elles un éternel recommencement ? Les invités de Philippe Dornier ont une demi-heure pour en débattre. Plus de 13 mois que La Réunion n'avait pas connu d'attaque de requins samedi, quand le jeune Laurent s'est retrouvé happé par un squale. Ce sont les images de ces 5 dernières années qui sont remontées à la surface. 5 années pendant lesquelles on a recensé pas moins de 18 autres attaques, dont 7 mortelles. La 19e vient mettre un terme donc à la plus longue période d'accalmie de cette demi-décennie. Surtout, c'est la première fois que ça se produit depuis la mise en place des filets de protection sur les plages de Saint-Paul. Filet qui, samedi, à Boucan, était déchiré, ce qui avait entraîné l'interdiction de la baignade et des activités nautiques. Ce drame remet-il en cause tous les efforts déployés ces dernières années ? Faut-il continuer à pêcher des requins pour réduire le danger ? Comment trouver un terrain d'entente entre des acteurs que tout semble opposer ? C'est dans l'actu, ce midi, sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Et vos questions, comme à l'habitude, au 02 62 99 2000. Il y a aussi la page Facebook, c'est dans l'actu, et le hashtag CDLA pour CDLA première pour Twitter. Et puis, comme à l'habitude, là aussi, le numéro de téléphone pour les SMS, le 06 92 70 2000. C'est un nouveau numéro, notez-le bien, 06 92 70 2000. Nos invités ce midi, je vous les annonçais juste après le journal, Jean-François Nativel, le président de l'association OPR, secrétaire de l'association OPR, bonjour. Bonjour. L'association OPR, c'est donc Océan Prévention Réunion. Jean-Bernard Galvez, bonjour. Bonjour. Porte-parole du collectif de protection des requins, on peut résumer ça comme ça, avec plusieurs associations. C'est un résumé un petit peu rapide quand même. J'ai l'impression, moi, depuis 2 ans ou 3 ans, d'essayer plutôt de protéger les baigneurs et les surfeurs des dangers qu'on leur fait courir en appâtant près des côtes. Des associations qu'on présente comme environnementales. Arnold Jacou est avec nous également ce midi, avec un micro qui tombe, alors on va le redresser tout simplement. Oui, bonjour Arnold Jacou, vous êtes psychosociologue, auteur d'une étude sociologique sur la crise requin qui a été réalisée à la demande de la préfecture. Voilà. Alors comme à chaque attaque, celle de ce week-end réveille les vieux démons, non seulement les points de vue sont opposés, mais en plus on se déchire sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut espérer que ça se calme un jour, Jean-François Nativel ? Écoutez, vous m'aviez invité, je crois, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, avec Patrick Florès, il y avait Monsieur Deran. Ça a été le discours qu'on essaye de prôner à chaque fois que ça m'est arrivé d'être en France face à d'autres grands acteurs comme Monsieur Sarano, etc. On essaye de Monsieur prôner, Sarano, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un des le fondateur de Longitude 181, qui est une des associations collectives, qui fait partie du collectif de Jean-Marie. C'est vrai que on va dire, pendant qu'il y a ces querelles, enfin, c'est un débat qui est perçu comme assez hystérique, ulcéré, etc., c'est La Réunion qui pâtit en même temps. Mais ce débat, si vous voulez, il découle du contexte dans lequel se produisent ces attaques. Et Monsieur Jacou, qui est présent, ne va pas me contredire, mais c'est une sociologue qui, dès 2011, a dit « Porter sur la scène publique un débat qui met en jeu des acteurs qui représentent une culture occidentale dans la société créole conduit forcément à son ethnicisation. » Et ça, déjà, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on constate, malheureusement, un glissement du débat qui fait que souvent, on a des discours qui vont nous dire « La mer créole n'a pas besoin de la mer. En bar, la mer, elle n'est pas grave. Nous, reste dans le lagon, etc. etc. » Donc, et déjà, c'est réservé aux oreilles. Et ça, écoutez, paf, on ne va pas parler de ce terme-là, mais à ceux qui adhèrent à cette culture occidentale. Et c'est vrai qu'on comprend la population créole, ses difficultés. C'est une des populations, encore la dernière étude, qui est extrêmement pauvre, etc., qui n'a pas forcément l'accès à la mer. Mes parents ne savaient pas nager. Mais maintenant, est-ce que c'est pour autant qu'on va s'enfermer dans un archaïsme ? Et j'espère que, voilà, avec la présence de M. Galvez ici, qui lui aussi souhaite que ses activités se poursuivent, absolument, on puisse un jour essayer de trouver un consensus. Mais alors après, malheureusement, voilà, chacun a ses conceptions sur les méthodes à mettre en œuvre. Je ne vais pas prendre plus la parole. Alors, je vais poser la même question à Jean-Bernard Galvez. C'est vrai qu'il y a des insultes, il y a tout ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que les principaux acteurs, ceux qui sont à la tête des discussions, notamment, il y a le CO4R, le comité de réduction du risque requin de la préfecture, est-ce que ça peut se calmer ? Que ça puisse se calmer. Est-ce que ça s'est calmé déjà ? Non, je ne crois pas que ça se calme vraiment. Si on regarde sur les réseaux sociaux, dès que j'ai fait une intervention, si vous saviez tout ce que je me ramasse, c'est beaucoup. Mais effectivement, je rejoins tout à fait Monsieur Nativel. On a au moins des points sur lesquels on est en accord. Personne n'a envie que cette série noire continue. Personne n'a envie de voir des enfants accidentés, des vies brisées, des choses comme ça. La seule différence qu'il puisse y avoir entre nous, et je pense qu'on est sincèrement tous les deux dans cette optique-là, la seule différence, c'est sur la méthode. Personnellement, je pense que les méthodes qui sont mises en œuvre, qui passent par la pêche, elles ne remplissent pas du tout cet objectif et elles créent plus de risques. Et je pense qu'il faudrait plutôt sécuriser les plages et sécuriser la baignade par la responsabilisation des gens, d'une part, et d'autre part, par des moyens qui sont des barrières et qui soient efficaces, et qu'on travaille tous ensemble sur ce genre de barrières. Vous qui avez réussi à discuter avec les différentes parties et à les réunir, Arnold Jacou, comment vous voyez les choses aujourd'hui? Est-ce que cette attaque, elle change quoi que ce soit, finalement, ou est-ce que c'est quelque chose de plus? Attendez, d'abord, je veux dire que moi, j'ai réagi avec ma sensibilité, comme tout le monde, j'imagine. Avant de pouvoir prendre du recul, essayer de réfléchir un peu plus posément aux événements. Et ma sensibilité me dit que tout ça est affreux. Bon, et à la réflexion, quand lorsque des groupes opposés se tapent dessus et s'insultent et s'invectivent, ça veut dire, très probablement, c'est le symptôme du fait que les décisions qui ont été prises n'étaient peut-être pas prises dans les conditions les plus propres à permettre la réalisation d'un consensus. Et donc, en ce qui me concerne, je préconise pour la suite, s'il y a une suite, c'est qu'avant de prendre n'importe quelle décision dans un rapport de force, comme ça a quelquefois été le cas, ce que j'ai vu dans le temps passé, on accepte que les personnes concernées, les leaders concernés, se rencontrent régulièrement, pas une table ronde une fois, mais se rencontrent régulièrement pour élaborer ce qui est le mieux pour toute la réunion et pour la réunion plongée dans un environnement complexe et les réunionnais qui sont les passionnés des sports marins. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-François Nativelle? Il ne faut pas que ce soit une rencontre symbolique de temps en temps. Il faut que ce soit c'est une structure régulière, une discussion avec des leaders de longue haleine, quelque chose à dire. Et un dialogue. Monsieur Arnold Jacou avait fait un très bon travail à l'époque. Je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu du micro. Monsieur Arnold Jacou avait fait un très bon travail à l'époque où il était mandaté par la préfecture. J'ai eu l'occasion de faire des réunions avec plusieurs réunions avec Monsieur Galvez, avec d'autres personnes, des scientifiques, etc. On a eu des échanges. Alors pas tout le monde. On est forcément pas d'accord sur tout. Moi, je suis pas scientifique. Je suis un petit peu spécialiste par la force des choses. Voilà, on avait amorcé ce travail, il a été stoppé. Après, je tiens à préciser une chose aussi, c'est que il faut voir qu'on est aussi dans l'ère Internet, et vous en faites les frais, vous aussi, tous les médias, tous les débats, dès qu'ils sont portés sur Internet, regardez, pour un rien, pour un chien, pour quel que soit le débat, ça part automatiquement en conflit. Donc, il faut effectivement qu'il y ait ces temps aussi d'échanges en interne, et moi je souhaiterais que ça, et je le dis encore une fois aujourd'hui, qu'on essaye de trouver une solution, mais si possible en étant réaliste sur les arguments qu'on avance, parce que c'est aussi là-dessus, c'est que moi je peux avancer des arguments que Monsieur Galvez va trouver fallacieux, moi je vais trouver que sur d'autres arguments il fait preuve de mauvaise foi, et tant qu'on n'aura pas aussi quelqu'un qui va trancher de façon neutre et nous dire « bon bah là, tu es dans l'excès, là c'est faux ce que tu dis », c'est compliqué, c'est pour ça que l'intervenant de quelqu'un d'extérieur est important. Mais aussi en étant expert, pas seulement en gestion de conflits, mais aussi en poissons, en requins, en animaux sauvages, etc. Vous avez besoin d'un médiateur, Jean-Bernard Galvez, pour faire passer les... J'apprécie beaucoup l'action de M. Jacou, je crois qu'on a aussi ça en commun, d'apprécier l'action de M. Jacou, qui est quelqu'un qui peut supporter à peu près n'importe quoi, avec beaucoup de calme et de sérénité, et d'essayer, qui a toujours la volonté d'unir les uns et les autres. Voilà, donc avec Monsieur Nativelle, personnellement j'ai pas de problème, ça me fait plaisir de lui parler, je trouve que c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans la tâche qu'il fait, on n'a pas du tout le même point de vue, mais en même temps je vais défendre peut-être ma position avec virulence peut-être, mais en même temps je salue l'engagement de Monsieur Nativelle. Alors, même si je suis en total désaccord sur les méthodes, je tiens juste à préciser que la communauté des pratiquants nautiques est fondamentalement attachée à la préservation de l'océan. C'est ça qui a créé le schisme au départ. C'est qu'on a été présentés comme des gens qui voulaient s'attaquer à la nature. Mais les associations environnementales, vous savez, même pour citer les Sea Shepherds, c'est essentiellement des gens qui aiment la mer, des surfeurs qui les soutiennent. Et c'est là-dessus que ça a créé un clivage. Donc c'est vraiment pour dire qu'on a finalement un même objectif. Moi, la seule chose que j'essaye de mettre en avant, c'est qu'on a une situation exceptionnelle. qui ne peut pas se résoudre avec des moyens qui sont malheureusement insuffisants. Vous voyez avec cette casquette de médiateur, en quelque sorte, où ça va au-delà de votre mission, Arnold Jacquot. Je vous assure, monsieur Dornier, je n'ai aucune prétention. Simplement, j'ai la conviction et l'expérience selon laquelle, quand on veut aller plus loin avec quelqu'un, il faut s'en rapprocher de plus près. Et l'expérience, elle a été faite dans le cadre de l'enquête sociale que je menais, mais elle a été faite par des gens de bonne volonté. Malheureusement, elle a été interrompue parce que les services de l'État n'ont pas la veine sociale que nous aimerions qu'ils développent. Ils ont une veine plutôt bureaucratique, administrative, et nous en voyons les effets. Bon. Ceci dit, mais non, je dirai la suite plus tard. Alors, on va aller au standard, parce qu'on a un premier appel. J'aurais voulu juste réagir un petit peu. Allez-y. Monsieur Nativel vient de dire qu'ils étaient présentés comme des gens qui n'aimaient pas la nature. Et nous, je peux vous dire, on est présentés comme des gens qui n'aiment pas les surfeurs. Oui, mais donc, après, il y a des réactions sur les réseaux sociaux qui sont hystériques d'un côté comme de l'autre. Ça, vous, monsieur Galvez, je ne vous ai jamais vu tenir des propos injurieux, calomnieux, etc. Jamais, je ne pense pas l'avoir fait pour qui que ce soit. Bon, moi, j'essaye aussi, dans la mesure du possible, de rester dans cette ligne directrice. Mais après, il y a des gens qui vont venir, qui vont dire tout et n'importe quoi. Moi, des fois, je parle avec... j'entends des bruits, des scientifiques qui croient que, ouais, tel truc, c'est moi qui ai dit, etc. Mais bon, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont... on peut pas contrôler. Vous savez, essayer de contrôler les gens qui sont d'un côté comme de l'autre dans l'excès, ça nous retombe dessus et je pense que vous en avez fait les frais comme moi. Vous voulez dire qu'il y a du ladilafé à La Réunion, c'est ça? Non, c'est qu'il y a du... voilà, il y a beaucoup de passion. Plus sérieusement, on va aller au standard 02 62 99 2000. On accueille Loris, c'est Loris Gasbar, qui est le président de Prévention Requin Réunion, l'association qui a déjà participé à cette émission sur ce thème par le passé. Bonjour Loris Gasbar. Oui, bonjour Philippe. Merci de nous appeler, je vous écoute. Ben écoutez, moi je voudrais tout simplement m'adresser à Monsieur Galvez, qui pointe encore du doigt ces dispositifs de pêche. Je voudrais juste lui poser une petite question, en sachant que ces dispositifs de pêche sont utilisés depuis 40 ans en Australie et depuis 30 ans en Afrique du Sud, avec zéro fatalité sur les endroits mêmes. Et Gasbar, de me poser cette question. La première, il y a plusieurs questions dans votre question. La première des choses, tout à l'heure, ça rejoint ce que nous disait Monsieur Nativel à propos des réseaux sociaux. Vous les avez activés, sachant que Monsieur Nativel et moi-même étant présents. Et comme à chaque fois, c'est toute l'équipe de vos amis qui va intervenir, et comme vous venez de le faire. Mais je vous remercie particulièrement d'avoir posé la question de la sécurité en Afrique du Sud. Vous me dites depuis 40 ans, depuis 70 ans même, on pêche en Afrique du Sud. Depuis 40 ans en Australie et depuis 30 ans en Afrique du Sud. Voilà. Oui, un peu plus que ça même en Afrique du Sud. C'est ce que disait Loris Gasbar. Oui. On pêche en Afrique du Sud et on n'a pas d'accident. Alors là, je suis très très heureux que vous me posiez cette question. Parce que je vais vous répondre par une autre question. Savez-vous combien de requins, bulldogs, sont pêchés chaque année par le Natal Shark Board? Monsieur Galvez, la chaque question année, n'est pas là. Il s'est pêché 9 requins bulldogs par le Natal Shark Board. Donc en pêchant. Vous lui posez une question, il vous répond. Je suis en train de répondre à sa question et Monsieur Gasbar est en train de m'interrompre. Alors, donc j'ai attendu que Monsieur Gasbar finisse de poser ses nombreuses questions pour pouvoir y répondre. On vous écoute. Donc Monsieur Gasbar, en Afrique du Sud, il se pêche chaque année 9 requins bulldogs. Et avec 9 requins bulldogs sur 450 km de côte. 9 requins bulldogs sur 450 km de côte, vous me dites que ça sécurise toute la région. Or, sur La Réunion, ce sont des dizaines et des dizaines de requins bulldogs et tigres qui ont été pêchés. À l'issue de cette pêche de plusieurs années, de 2 années, on a un accident dès que le filet présente un trou. Un simple trou dans le filet, vous avez attiré tellement de requins par cet appâtage massif. Vous utilisez des lignes qui font 23 km de long, avec 25 appâts. Vous mettez des appâts gras de 1 kg à l'endroit où les Sud-Africains mettent des appâts maigres de 500 grammes. Au bout de 48 heures, les Sud-Africains viennent remplacer leur appât, qu'il ait été bouffé ou non. Et quand il a été bouffé, il ne le remplace pas avant 48 heures. Et vous les remplacez régulièrement et vous mettez une chaîne, une ceinture d'appât autour de La Réunion. Et vous vous étonnez qu'il y ait des accidents ensuite. Monsieur Gasbar, vous m'avez donné l'occasion de répondre à vos affirmations. Il y a une grande incompétence parmi les gens que vous représentez. pour parler de requins et pour parler de sécurité. Alors, et avec ces méthodes, alors, vous mettez en danger les Réunionnais. Alors, Loris Gasbar et Jean-Bernard Galvez, on va écouter l'extrait du directeur de cabinet du préfet, qui était l'invité de la matinale ce matin, Sébastien Audebert, qui s'exprimait justement sur la question de la pêche. On est dans le cadre d'un programme qui est un programme d'expérimentation. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore ouvertes à discuter, des expérimentations qui peuvent se mettre en place aussi sur d'autres sites. Donc on continue à travailler là-dessus. Une piste de réflexion, c'est aussi pourquoi pas d'équiper nos gendarmes éventuellement avec des jet skis pour intervenir en mer. C'est une possibilité, c'est une piste ouverte. Nous n'avons pas décidé. Là aussi, il faut construire une doctrine très précise. Nous avons aussi la police municipale, bien évidemment, j'ai oublié de le dire, mais qui intervient, et la mairie de Saint-Paul qui, là aussi, a pris toutes les mesures qu'il fallait samedi, y compris d'ailleurs après en termes de secours, après le drame. Donc, plusieurs pistes sont ouvertes, il faut les poser sur la table. La question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut obliger les jeunes à sortir de l'eau, et par quels moyens, finalement ? Aller les chercher en mer, c'est compliqué, c'est difficile, ça pourrait faire un risque supplémentaire. C'est vraiment la responsabilité individuelle de chacun. Alors, c'était pas exactement ce qu'on devait entendre normalement. C'était le passage qui concerne la pêche. En tout cas, le directeur de cabinet du préfet, pour résumer ses propos, disait il n'y a pas de palangre au large de Boucan. Qu'est-ce que vous dites là-dessus, vous, Jean-François? Écoutez, on a. Attendez, Loris Gasbar, je vais laisser Jean-François Nativel répondre. Quand même. Et donc, voilà, on a un parfait exemple de l'incompréhension. Elle provient de ça. C'est que là, bon, Monsieur Galvez, il a ses convictions. Il prend l'exemple. Exemple de l'Afrique du Sud. Moi, je prendrai celui. C'est Monsieur Gasbar qui a pris l'exemple. Ah, pardon. Donc voilà, moi, je vais compléter parce que l'Afrique du Sud, je suis là sur l'Australie, le Queensland. Le Queensland pêche. Vous avez les chiffres ici. Vous avez en moyenne 100 requins bulldogs qui sont pêchés chaque année. Et sur les plages protégées, comme sur toutes les plages protégées, en Australie ou en Afrique du Sud, on a une réduction du risque qui est significatif. La vraie question, c'est de se dire comment, parce que je vais pas rentrer dans ce débat si des appâts d'un kilo attirent des requins. Ou pas, parce qu'on s'en sortirait enlever les appâts des absents. Non, mais monsieur, la première drumline, elle est au Roche-Noir, elle est à 4 km. Oui, et les palangres de fond de 25e sont. Elles sont déployées à des moments vraiment décalés. La question est de se demander. Comment on peut avoir des requins qu'on nous a présentés comme des poissons qui n'aiment pas la chair humaine, qui se trompent, qui attaquent par erreur. Comment ils en arrivent à rentrer dans un filet qui est clos à 99%, alors qu'en Afrique du Sud, on a des filets qui sont juste des parties, des morceaux de filet où il n'y a pas de retour sur les côtés, et que là-bas, il n'y a pas d'attaque, enfin, il n'y a quasiment pas d'attaque en 50 ans d'installation. Nous, on a essayé des choses innovantes. On a donné une patte écologique au programme. Ces filets ne blessent aucun poisson. Vous étiez une des personnes satisfaites. Je soutiens totalement vos filets, et j'espère que ça va fonctionner. On est en train d'expérimenter. Malheureusement, l'expérimentation, elle se fait avec des êtres humains. Et c'est ça le problème. C'est que le débat nous fait perdre du temps aussi quelque part. S'il y a une obligation de moyens. Il n'y a pas de problème. Par contre, si vous appâtez, vous faites venir les requins. Si vous mettez des appâts, enlevez les appâts des hameçons. Et vous verrez si vous attrapez des requins. Les premiers appâts, monsieur Galvez, ont été mis en 2014, en février 2014. On avait déjà 11 attaques à cette période-là. Oui, monsieur Nativel, je suis d'accord avec vous. Nous avons eu des attaques avant et nous avons un grave problème qu'il faut résoudre. D'accord. On est entièrement d'accord. Et par contre, ne me faites pas dire les paroles que vous prêtez à certains, effectivement, défenseurs des requins qui ne les connaissent pas. Mais je sais que vous connaissez bien les requins et j'aurais aimé qu'on débatte aussi un peu là-dessus, essaye d'aller sur quelque chose de constructif et de se dire... J'ai toujours dit personnellement que le risque requin commençait avec de l'eau jusqu'à la ceinture. Je l'ai toujours dit. Vous êtes sous l'eau comme moi. Et j'ai toujours dit que... L'accident de requin avait une origine alimentaire. Nous sommes... On est bien d'accord vu que le résultat, c'est un animal, c'est un prédateur, et qui présente dans certaines conditions certains risques. Et c'est quelque chose que j'ai toujours dit, et on doit un respect à un certain prédateur, et on doit un certain comportement quand on a en face de nous des prédateurs potentiellement dangereux. Arnold Jacou, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette intervention de Loris Gasbar, et puis... cette tension qui monte tout de suite. Ah non, il n'y a pas de tension. Je ne suis pas compétent requin, mais j'essaie de comprendre le mieux possible le comportement humain. Les mécanismes. Ce que je crois, ce qui me semble en tout cas, c'est que tant bien que mal, ici à La Réunion, depuis que la crise a démarré, on s'est attaqué à ces symptômes. Le symptôme, c'est les attaques meurtrières. Mais on continue à ignorer les chaînes de causalité de ces attaques. Donc, on ne peut pas non plus imaginer quelles vont être les conséquences à tout point de vue, conséquences dans l'équilibre, l'environnement, tout ça. On est au plan des symptômes, mais pas au plan des causes. Tant qu'on n'a pas réussi à travailler là-dessus, à avoir des données qui peuvent venir soit des expériences empiriques, parce que beaucoup de gens en ont, même s'ils ne sont pas scientifiques, même s'ils ne sont pas diplômés, même s'ils sont pas, ils ont une expérience de la vie continue, et les scientifiques peuvent parvenir à formaliser tout ça. Nous devons, pour moi, c'est une urgence de s'attaquer aux chaînes de causalité, même si ce n'est pas l'urgence que tout le monde partage, parce que forcément, nous, nous avons envie de nous protéger et on peut le comprendre. On a Lucie au 06 92 70 2000 qui nous dit « Prudence et maire de sûreté, dans ces débats, l'emportement des intervenants nous fatigue. On prend les mêmes et on recommence entre les pour et contre requins, les pour et contre surfeurs. Arrêtez, trop d'experts, tue l'expert. » Bon, voilà, c'est l'avis de Lucie. Essayons de faire évoluer le débat. Effectivement, moi, la question, je voulais finir ça parce que c'est un point essentiel. Et là, bon, on finira par pas être d'accord peut-être, mais on a un filet à La Réunion. On teste quelque chose qui s'est jamais fait dans le monde, un filet fermé à 100% dans ces dimensions. À 100%, je ne parle pas évidemment du trou qu'il y avait dedans ce week-end. Non, parce qu'on y reviendra si vous voulez. Oui, il va jusqu'au sol, mais il y a des endroits où c'est très compliqué, des endroits qui sont très près du bord. Ils font leur maximum. Les gens sont. Il y a 10, 20 personnes qui travaillent dessus pour améliorer. On est sur de l'expérimentation, encore une fois. Et là, donc, on voit qu'un filet qui est fermé à 99% sans évacuer la responsabilité humaine arrive quand même à avoir un requin qui va se comporter comme un loup ou un renard devant un poulailler qui aurait peut-être identifié un stimuli et qui va chercher à rentrer dedans. Alors qu'à côté de ça, l'expérience nous montre qu'en Afrique du Sud, 50 années de protection avec des filets partiels, ça fonctionne. Partiel, hein. Oui, mais ces filets capturent des animaux. Et je préciserai, M. Galvez a dit 9 requins par an. J'ai les chiffres devant moi, c'est 12. La moyenne. 9,4 requins. Oui, bon, enfin, moi, sur les données. C'est les statistiques de 2010 à 2014. Bah, mais moi, j'ai. 2006-2010. On est presque bon. Oui, il y en a moins maintenant. Ça ne change pas grand-chose. Voilà. Mais pour chipoter. Combien on en a pris à La Réunion? Mais oui. On commence à approcher les 200. Et ça, c'est sur 450 km. Nous sommes sur 30 km. Et 200 requins. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, Jean-Bernard Galvez ? Je veux démontrer que nous sommes en train d'appâter et d'attirer les requins. Et que cette méthode n'est pas du tout adaptée et n'apporte pas de sécurisation. Et quant à répondre à votre problème de l'attaque dans ce filet, malheureusement, de l'accident dans ce filet, vous savez que les pêcheurs sont autorisés à conserver leurs prises accessoires. Et avec des lignes qui font 25 hameçons, on en prend des animaux. Et là, on est peut-être en train d'enlever leur proie naturelle à tous ces prédateurs. Et si vous leur enlevez leur proie naturelle, il faut bien qu'ils mangent. Et on accroît le risque. Donc je pense qu'on est en train de mettre en place, sous prétexte de protection des gens, un espèce de cercle infernal où on attire des requins et on leur enlève leur nourriture. Et on est dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Vous parlez d'action de pêche. Vous parlez d'action de pêche. La pêche, elle s'effectue partout autour de l'île, mais ça cause créole. Le nom de petit pêcheur, ça va à la mer, il s'arrode un carré. Vous veut dire toute de mouni attrape poisson, La Réunion, les responsables attaquent de requins. C'est ça, vous veut dire? Parce que c'est pas un pêcheur à l'arc 25 hameçons que va changer fondamentalement l'affaire. On en est à 25 hameçons. Je vous parlais tout à l'heure du Natal Schlagbaum qui, pour pas tirer les requins, utilisait des appâts de 500 grammes et des appâts maigres. On a 25 hameçons, nous, d'un coup, et on en met des appâts gras. C'est plus la même chose. On arrive à 30 tonnes d'appâts par an avec les palangues, si on fait un petit décompte. Ça fait presque 500 kilos par semaine devant les plages. Monsieur Galvez, c'est bien moins que le programme scientifique quand il était en cours entre 2011 et 2013 et que l'État envoyait les gens dans l'eau à leur simple risque et péril sans aucun filet. Ah non, mais attendez, je vous soutiens totalement sur les filets. Je vous soutiens totalement sur les filets et sur toutes les méthodes qui n'impliquent pas une atteinte à l'environnement et qui n'impliquent pas qu'on tue les gens. Testons les filets sud-africains Testons les filets sud-africains. De toute façon, peut-être qu'on y viendra. C'est pas impossible. Testons ces filets sud-africains. C'est quoi la grande différence? Ça va tuer une tortue ou un dauphin Attendez, les filets sud-africains, les Sud-Africains sont en train actuellement de renoncer. Et leur objectif est d'obtenir, d'abord ils renoncent au filet, et au drumline, ils cherchent des parades à toutes les méthodes qui sont létales pour les animaux, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que nous, non seulement nous pêchons beaucoup plus de requins sur une toute petite zone, mais en plus on les tue. En Afrique du Sud, chaque requin qui est pêché est relâché. Que ce soit un tigre de 4 mètres, un bulldog de 3 mètres, c'est relâché. Nous, on ne les relâche pas, on les tue. Comment ils expliquent ça ? C'est non, justement, c'est les incohérences de leur méthode. Il faut savoir que là-bas, nous ici, pour se plier aux exigences écologiques, on a des alarmes qui font le pêcheur va venir en pleine nuit et quand il va franchi l'alarme, voilà, quand elle se déclenche. Oui, donc il va venir et il va libérer le requin si c'est une espèce inoffensive ou le tuer si c'est une espèce qui est dangereuse. Alors que là-bas en Afrique du Sud, ils ont pas ce genre de contrainte. Ils laissent l'animal, ils font un passage par jour si l'animal est mort sur place. Il est mort. Voilà. Donc mais ils ne tuent pas eux-mêmes. C'est pour ça qu'on arrive à 9 bulldogs qui nous représentent, je ne sais plus exactement monsieur, de mémoire, Galvez, mais une quarantaine juste pour de vous donner, et vous avez les mêmes chiffres que moi, là j'ai des statistiques, il y a exactement 16,7 captures, c'est une moyenne, pour 12,2 morts. C'est-à-dire qu'il n'y a que 30% ou 25-30% d'animaux relâchés vivants. Comment expliquez-vous qu'on ait empêché des dizaines et des dizaines de requins pendant 2 ans sur une zone qui fait non pas 450 km mais qui en fait une trentaine, on n'est pas réussi à sécuriser la chose et que dès qu'on a un petit trou, il y a un requin qui vient s'engouffrer parce dedans. Il n'y a pas si longtemps, monsieur Le Bihanic nous disait la situation est plus sûre qu'il y a 2 ans. Ah, monsieur Le Bihanic, c'était le chargé du risque requin à la préfecture. Arnold Jacou, si on veut prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Ce débat là, ici, on illustre parfaitement les problèmes. Il ne devrait pas être mené simplement devant un micro. C'est un débat qui mériterait un approfondissement, une durée, parce que nous avons affaire, Jean-François et Jean-Bernard sont deux personnes parfaitement compétentes. Mais on peut, avec les expériences qui sont faites, qu'elles ont, qu'ils portent, faire avancer les choses. Mais pas devant un micro. Maintenant, je vais reprendre le thème de l'expérience. On est là aussi pour faire vivre uniquement ce débat. Oui, on va s'arrêter, puis voilà, on aura... Moi, je veux revenir à ce que disait Jean-François Nativel. C'est, on est... Effectivement, depuis 2 ans, dans une phase d'expérimentation. Mais pendant cette phase d'expérimentation, qui ne donne pas les fruits que tout le monde espère, bien évidemment, à cause, à mon sens, du fait qu'on s'attaque aux symptômes et pas aux causes, mais pendant ce temps-là, la question des usagers de la mer se pose. Et alors, je voudrais, je ne sais pas si je fais avancer les choses, mais je vais quand même dire, nous avons observé ici, tout le monde l'a observé, c'est que nous n'avons pas une culture de la mer ici à La Réunion. C'est-à-dire, j'ai rencontré beaucoup de gens pendant que je discutais avec eux, que je les interviewais, pardon, professionnellement, j'ai rencontré beaucoup de gens qui explicitement me disaient qu'ils souhaitaient entrer dans l'eau comme ils allaient dans leur jardin. C'est-à-dire... comme s'ils vont pratiquer des activités de loisirs qui ne leur posent évidemment aucun problème, qui ne présentent pas l'ombre d'un risque. Et le fait de ne pas pouvoir entrer dans l'eau comme dans le jardin était pour eux problématique et nécessitait qu'on recherche des responsables. Et à mon sens... L'État ne s'en est pas occupé, en dépit du fait que les propositions claires ont été faites, l'État ne s'est pas préoccupé de développer une pédagogie du risque, une pédagogie de l'autoprotection des usagers de la mer, qui est forcément attachée à une culture marine ou à une réflexion sur le développement possible d'une culture marine. Il faut pas généraliser. Pourtant, il y a des alertes qui sont clairement données, comme ce week-end. Je voulais juste dire, il ne faut pas généraliser non plus. Il y a des personnes qui sont comme ça. En 5 ans, les comportements ont changé. Là, avec les filets, on avait quand même beaucoup de gens, des enfants, etc. Beaucoup de gens qui n'allaient plus à l'eau depuis 4 ans. Il y a eu un véritable renouveau. Donc là, alors qu'on était sur quelque chose où tout le monde avait confiance, à nouveau, on se retrouve face à une situation incroyable. Donc il faut effectivement rebondir. Le problème de cette communication-là, que je ne vais pas nier, le problème de la communication sociale, c'est comme dans la communication interpersonnelle, c'est pas seulement le message donné qui compte, mais c'est comment il est perçu. Et on le voit, quand il y a une attaque, le premier pédagogue, quand il y a une attaque, c'est la peur, c'est la trouille, c'est l'horreur. Mais dès qu'on s'éloigne chronologiquement du moment de l'attaque, tout ça disparaît. Et si on n'a pas des relais éducatifs dans la famille, dans les spécialistes ou les éducateurs sportifs, par des systèmes de communication, tout ça, eh bien, même si à un moment donné, la perception du danger amener les gens à une prise de conscience, une réflexion, on voit que tout cela s'estompe très rapidement. Donc, on n'a pas véritablement... Je ne veux pas généraliser pour critiquer. Les choses changent. Les gens, je voudrais qu'elles changent. Les évolutions. Et qu'elles soient formalisées de manière pédagogique, plus clairement, mais par plus contre, à côté de ça, il faut savoir, et tu le sais très bien, le caractère passionnel qui a été développé, malheureusement, par des politiques publiques, il faut le rappeler, depuis 30 ans. Si l'État avait dit, depuis les années 80, ah non, La Réunion, on ne doit pas développer les activités nautiques parce que c'est une île à requins, on en fait un parc, eh ben, il aurait dû le faire. Parce que c'est pas après avoir donné le goût à des milliers d'usagers. Il y en a qui me disent clairement... Et puis clairement, des champions aussi. Oui, et puis on a trois champions du monde. On est en train de tuer une poule aux œufs d'or. On va avoir sûrement des Réunionnais aux Jeux Olympiques en 2020, mais ça, c'est encore un autre problème. Mais moi, j'ai des gens, et Arnold me contredira pas, qui diront, ils sont prêts à mourir. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de partir. Ceux qui pouvaient partir sont partis. Il y en a qui tombent malades. Ce caractère passionnel, là, on tombe après, ils vont voir des médecins. On fait mais comment On peut pas leur faire prendre de risques au nom de la passion. Mais ça, c'est... Mais non, c'est vrai, mais là, je pense que c'est notre barbelé, Mirador. C'est pas eux qui le prennent d'eux-mêmes. Il y avait des panneaux d'interdiction partout, oui. Les maîtres nageurs qui prévenaient. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des surfeurs qui sont restés à l'eau samedi? Écoutez, moi, je comprends leur passion et je comprends qu'ils prennent ce genre de risque. Et en même temps, avec la connaissance que j'ai du milieu marin, je pense que c'est un risque qui est démesuré. Si vous voulez. Alors en même temps, je les comprends parce que démesurer, tu veux dire qu'ils le perçoivent pas? Ils le perçoivent pas à sa juste valeur. Ah ouais, mais il y en a qui c'est perçoivent qui le nombre n'en de gens pas qui ont arrêté pendant. Moi, je te dis. Mais donc ça s'éduque, ça. Oui, ça, voilà, ça fait la partie passion, de l'éducation. Elle s'éduque. Et il y a eu d'énormes progrès. Elle se construit depuis 5 ans. Oh, il y a 5 ans, on était vraiment dans le. Écoutez, de toute façon, on pourrait en discuter longtemps. Moi, je dis juste, on va voir comment l'État va s'y prendre, puisqu'on a vu que le volet principal, un des volets principaux, ça va être aussi la répression. Et malheureusement, effectivement, c'est très compliqué. Je préfère. Je suis préféré que les gendarmes s'occupent des faits divers, de toute l'insécurité qu'on peut avoir, etc., plutôt qu'ils soient en train de courir sur la plage, parce que malheureusement, je peux vous dire que dès aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens dans l'eau, et il y en aura, voilà, malheureusement. En dehors des filets, bien évidemment. Une dernière chose importante, ne mélangeons pas aussi ceux qui étaient dans un filet et qui se sentaient quand même en sécurité par rapport à l'expérience de ce qui se fait ailleurs. Et voilà, et ceux qui vont quand même pratiquer en dehors mais des filets. Je pense qu'il faut qu'on continue à améliorer les filets, améliorer une barrière sous quelque forme qu'elle soit, qui me paraît la seule méthode de protection efficace. Mais écoutez, il y a un nouveau qui vient avec un dispositif sonore, ça va vous faire plaisir d'apprendre ça. Je pense, mais c'était un peu subtil peut-être justement vu les habitudes des gens, mais je pense qu'on en attendant il faut quand même, je vous finirai pour ma part là-dessus. Et on restera là-dessus. C'est l'obligation de moyens, monsieur Galvez, c'est-à-dire que vous défendez les animaux et on a donc tous cette sensibilité. Les gens, je voilà, défends aussi, les gens avant les animaux. Les gens d'abord. Et d'une façon générale la société, parce que protéger la nature c'est protéger l'homme, on est bien d'accord. Mais il y a ce qu'on appelle une obligation de moyens. On vous demande juste vous avez bien vu au début, vous contentiez de votre mouvance, contentez de dire c'est juste un problème de comportement. Vous êtes bien d'accord que là, quelqu'un qui se fait attaquer dans un filet, c'est difficile de dire que c'est un problème de comportement. Il s'est fait attaquer dans un filet. Alors, on va parler... dans des conditions oui, où le oui. filet était percé et où on lui avait dit de ne pas y aller. Il y a quand même, c'est pas dans un filet tel qu'il est conçu et tel qu'il est placé de façon habituelle. Reconnaissez que c'est quelque chose d'inédit et d'exceptionnel. Mais attendez, si vous enlevez le filet ou s'il a un trou, c'est plus un filet. La protection n'est plus garantie. Sur 700 mètres de linéaire. Il y avait 700 aussi. Mètres de linéaire. Voilà. Vous savez comment se comporte un requin qui tombe devant un obstacle? Eh bien, il le suit. Et quand il y a un trou, il va rentrer dans le trou naturellement. Vous savez qu'il a dû, il a dû quand même circuler longtemps avant de s'aventurer. Non, pas forcément circuler longtemps, parce que vous tombez sur un obstacle, pour un requin, il tombe sur un obstacle, il fait ça, il va suivre. Et puis quand il va tomber dans le trou, il va rentrer dans le trou. C'est des animaux quand même craintifs. Enfin, après, voilà, oui, on va pas tergiverser. Oui, le bulldog est un animal craintif quand on le côtoie sur l'eau, effectivement. La question, évidemment, c'est aussi de savoir comment ce requin est arrivé là. Est-ce qu'il est arrivé par la houle en passant par-dessus le filet? Est-ce que ça c'est possible? Ou est-ce qu'il est passé par ce fameux trou? Merci en tous les cas, à tous les trois, d'être venus participer à ce débat suite à cette attaque de requin. On rappelle que le surfeur attaqué, ses jours ne sont plus en danger, heureusement, mais qu'il restera handicapé lourdement à vie, bien sûr. Merci à vous, Jean-François Nativel, secrétaire de l'association OPR, Océan Prévention Réunion. Jean-Bernard Galvez, porte-parole du collectif des associations environnementales. Et puis Arnold Jacoub, psychosociologue, auteur d'une étude sociale sur le risque requin. Excellent après-midi. À 12h53, presque 54, je vous laisse en compagnie d'Ingrid. Merci Philippe, et nous on se retrouve demain pour un nouveau thème dans C'est dans l'actu. Dans 5 minutes, c'est le retour de l'information avec la rédaction de France Info. D'ici là, un peu de musique sur Réunion Première. sommes qui s'activent, les histoires d'amour qui s'archivent, la ville et ses âmes en dérive, le jour, la nuit hyperactive. Parmi les arbres et les fleurs, j'entends les rires et les pleurs, une onde qui m'effleure le cœur. J'inspire les parfums invisibles qui touchent à mes cordes sensibles. Je touche à des notes inaudibles qui réveillent en moi l'indicible. Said, fuck it. The salesman's like, what up? What's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you. Follow me. Ooh, it's too real. Chromed out mirror, I don't need a windshield. Banana seat, I can't be on two wheels. 800 cash, that's a hell of a deal. I'm headed downtown, cruising through the alley. Tiptoeing in the street like ballet. Pulled up, moped to the valet. White walls on the wheels like mayonnaise. Dope, my crew is ill. And all we need is two good wheels. The bank and a bad little mama with the rats in my face. I'ma lick that, stick that, break her off, kick that, snuck her in backstage. You don't need a wristband. Dope. Killing the game, about to catch a body. Past the heartbeat, Dookie on the Ducati. Timberland, Khaled, Scott Storch, Birdman. Goddamn, man, everybody got Bugattis. But I'ma keep a hella 1987. Head into the dealership and drop a stack and cop a Kawasaki. I'm stunning on everybody. Hella raw, past the wasabi. I'm so low that my scrotum's almost dragging up on the concrete. My seat is leather. I ride a line, it's pleather. But girl, we can still ride together. You don't need an Uber. You don't need a cab. Fuck a bus pass. You got a moped, man. She got 1988 Mariah Carey hair. Very rare. Mom jeans on her dare. Throwing up the west side as we tear in the air. Stop by Pipe Place, throwing fish to a player. Downtown, downtown, downtown, downtown, downtown. She has her arms around your waist. You're the balance that will keep us safe. Yeah! I'm a po-po, can't recommend me. I'm in a B-boy stance, I'm not dancing. I got your girl on the back going tandem, cause I'm too damn quick, I'm too damn slick. Whole downtown yelling out, who that is? It's me, the M, the A, C, the K. Sounding like a French pimp bump back in the day. I take her to Ponderay and I watch her skate. I mean water ski, ollie ollie oxen free. I'm perusing down fourth and they watching me. I do a headstand, an eagle lands on my seat. Well, hello, but baby, the kickstand ain't free. Now do you or do you not wanna ride with me? I got one girl, I got two wheels. She a big girl, that ain't a big deal. I like a big girl, I like them sassy. Going down a back street, listening to Blackstreet. Running around the whole town. Neighbors yelling at me like you need to slow down. Going 38, Dan, chill the fuck out. Mow your damn lawn and sit the hell down. If I only had one helmet, I would give it to you. Give it to you. Cruising down Broadway, girl. What a wonderful view. Wonderful view. C'était Macklemore et Ryan Lewis sur Réunion Première. Vous écoutez donc Réunion Première, il est 13h. Voici le journal de France Info. Il est 11h et l'info, c'est avec Aurélien Tirard. Bonjour Aurélien. Bonjour à tous. Et la République comme mot d'ordre pour lancer la rentrée politique. Le gouvernement en meeting ce soir à Toulouse pour tenter de se rassembler. Et nous entendrons combien ce sera difficile. Après le burkini, voilà cette vidéo qui enflamme les réseaux sociaux depuis hier. Deux clientes musulmanes sorties par un restaurateur en Seine-Saint-Denis. Le collectif contre l'islamophobie en France nous dira son inquiétude. Le PSG battu par Monaco hier soir. Les Parisiens défaits en Ligue 1, surtout en début de saison. Voilà qui a de quoi surprendre. France Info. Et vous l'entendez depuis ce matin, votre radio a fait quelques changements. Et oui, comme c'est l'heure de la rentrée, voilà la nouvelle musique de votre radio préférée, un nouvel habillage. C'est comme ça qu'on appelle la nouvelle musique dans le jargon. Cette petite musique va désormais vous accompagner tout au long de la journée sur France Info à la radio et dès jeudi sur France Info à la télévision. Ce nouvel habillage, on le doit à l'homme aux 80 millions de disques vendus, au chantre de la musique électronique, Jean-Michel Jarre, qui nous explique ses choix pour cette commande un peu particulière. C'était un petit peu comme faire la musique d'un film, mais d'un film que les gens vont vivre jour après jour. Il fallait résoudre plusieurs équations. D'abord, le fait que cette musique puisse convenir aussi bien à la télévision qu'à la radio, parce que ce sont quand même, comme on le sait tous, des choses différentes, et aussi sur les réseaux sociaux. J'ai réfléchi beaucoup sur qu'est-ce que doit être la musique aujourd'hui qui accompagne l'information.